quotidien paraît fade et triste, il est bon de s'évader, en quête d'un ailleurs, d'un refuge dans lequel on se sent bien, le temps de quelques minutes, le temps d'un album. Cet album c'est Loveless, de My Bloody Valentine, sorti depuis bientôt 25 ans. Je vous emmène aujourd'hui à sa découverte, donc si le voyage vous tente, détendez-vous et appréciez. Un voyage onirique débute alors une fois que l'on appuie sur play. On se retrouve projeté dans un monde de nuages aux multiples couleurs nous ouvrant ses portes. C'est guidé par le son des instruments saturés que l'on avance dans cette brume légère. Des visages et des corps flous apparaissent autour de nous sans que l'on puisse les distinguer. Ils jouent, chantent et nous attirent vers eux. On est emporté en terre inconnue mais l'on ne recule pas. Ni amertume ou désolation, seuls les échos d'une voix distante et cristalline transperçant un mur de musique brutiste. Un bruit qui est rendu doux comme un morceau pop. Des boucles hypnotiques de guitare entrent dans nos têtes et n'en sortent plus. Le temps passe mais n'a plus d'importance. Alors, seul, on s'arrête et l'on oublie la vie. On en prend congé et l'on s'abandonne face au son. Le premier contact avec le groupe peut être rude, on ne parle pas ici de harsh noise, mais pour autant l'aspect mûr du son propre à cet album peut rebuter. Mais retirez toutes leurs pédales d'effet aux musiciens et vous obtiendrez des morceaux catchy, à la construction classique, couplet, refrain, couplet, délicieusement pop avec un soupçon de noise à la Sonic Youth. C'est bien là toute l'essence du mouvement shoegaze ou dream pop rendu populaire au début des années 90. Si l'on remonte aux racines du genre, on trouvera des groupes tels que Cocteau Twins, signés sur le label culte 4AD, ou encore The Jesus and Mary Chains. Pour l'un, c'est une musique très épurée que l'on caractérisera Heavenly Voices en raison de la voix exceptionnelle de la chanteuse Elizabeth Fraser aux côtés de Dead Can Dance. Et pour l'autre, on a un post-punk posé, parfois destructeur et psychédélique. Car avant d'entrer 2 ans en studio pour façonner le son de Loveless, c'est par cette voix que commencèrent My Bloody Valentine. We'll be right back. Loveless a vraiment apporté quelque chose à la musique, fruit d'une longue gestation en studio. C'est vraiment pour moi l'album qui définit le genre tant il est raffiné et vecteur de sonorités inégalées. On nage en plein rêve et l'expérience prend tout son sens quand on s'y consacre pleinement. Le son est massif et beaucoup plus imposant que nombre d'albums de métal en apparence complètement méchants. Des vagues d'une matière mauve et uniforme s'abattent alors sur nous et l'on est obligé de se laisser emporter par la musique surnaturelle. Une ombre plane cependant au-dessus de nos têtes durant l'écoute. L'album se veut contemplatif, beau, mais selon moi empreint d'une certaine mélancolie que je vous laisse interpréter. Beaucoup de groupes émergèrent dans le même temps et signèrent des classiques du genre, alors au sommet de sa popularité. On peut citer les Britanniques de Ride, Lush ou encore les exceptionnels Slowdive dont on s'écoute justement un morceau. L'équilibre entre la recherche musicale et l'émotion est ici poussé à son paroxysme, nous offrant une musique céleste et unique. On a tout écrit sur cet album dorénavant légendaire, et pour peu que vous réussissiez à vous l'approprier, il deviendra un véritable havre de paix musicale où l'on va et l'on vient tout en oubliant le monde extérieur. Une drogue au sens littéral du terme. J'espère vous avoir convaincu, et maintenant que vous avez les clés en main, c'est à vous de jouer et de tenter l'expérience. Merci de m'avoir écouté, c'était Hugo pour River of Gold sur Hands Up.